Mangi. Nous sommes mardi 26 mai. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grands titres. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du triple scrutin par la CENI, Dieudonné Nahimana, un des 7 candidats à la présidentielle, apprécie positivement les résultats malgré certaines irrégularités. De son côté, l'association des femmes rapatriées du Burundi Afrabou apprécie le dépassement des 30% des femmes dans les instances de prise de décision. Le recteur de l'Université du Burundi tranquillise les anciens étudiants de cette université quant à l'entérinement de leur diplôme. C'est pour bientôt, dit-il. La chronique santé de ce mardi revient sur l'asthme, une maladie respiratoire. Le pneumologue Dr François Ndikumwenayo nous parlera de la prévention dans cette édition, mise en onde par Innocent Bibonimana et Sandrine Chimier. Rebonjour et bienvenue. La radio de l'avenir. Page politique pour débuter cette édition. Dieudonné Nahimana, qui était candidat indépendant à la récente présidentielle, apprécie positivement les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI lundi. Toutefois, il soulève certaines irrégularités qui se sont observées quand les présentées à cette commission. Je vous prie de le suivre au micro de Moïse Misago. En général, le processus électoral s'est bien passé, surtout la campagne électorale. Le jour de l'élection, le processus s'est vraiment bien passé en général. Mais quant au comptage de voix, il y a quelques irrégularités que nous avons observées à gauche, à droite. Bien qu'on n'est pas contre les résultats qui ont été donnés par la CENI, quand même, moi, en tant que candidat, on a certaines irrégularités, certaines imperfections que nous voulons communiquer avec la CENI pour que peut-être ça puisse orienter les choses dans l'avenir. Donc, je pense que, comme vous l'avez dit, sont des résultats provisoires. Quand ils sont provisoires, ce qui nous donne aussi l'opportunité de pouvoir nous prononcer, dire ce que nous avons apprécié ou pas apprécié, pour que ça puisse améliorer quelque chose maintenant, mais aussi dans les autres processus à venir. Donc, on a bien accueilli les résultats qui ont été donnés par la CENI, moyennant quelques irrégularités que nous aimerions communiquer avec la CENI, ce qui me concerne en tant que candidat. Mais je crois que dans un processus ou dans un événement ou un programme important comme les élections, tout ne peut pas être correct 100%. Et c'est important quand même qu'on soit humble pour reconnaître qu'il y a l'une ou l'autre chose qui n'a pas très bien marché et que cela doit être corrigé, amélioré pour que l'avenir soit encore meilleur. Donc ce ne sont pas vraiment des choses majeures, mais quelque part que je pense que c'est honnête de les signaler. Dieudonné Nahimana, un des 7 candidats au fauteuil présidentiel, et la coalition Kira Burundi demande aux nouveaux dirigeants de libérer les prisonniers politiques et de travailler de façon à sauvegarder les biens publics. Cette coalition demande aussi à ses dirigeants fraîchement élus de sortir la population de la pauvreté. Dans une conférence de presse animée au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la CENI, le président de cette coalition, Aloïse Barichako, dit qu'ils ont pris acte des résultats de ces élections. Malgré quelques irrégularités relevées, pour lui, cette coalition a aussi été victime d'injustices avant et pendant les élections. Le point avec Aubin Nyonguru, qui a assisté à cette conférence de presse. La coalition Kira Burundi, forte de son engagement. La coalition Kira Burundi dit prendre acte des résultats provisoires des récentes élections, bien que cette coalition dit avoir noté quelques irrégularités. C'est la raison pour laquelle Kira Burundi a pris acte de ces résultats. C'est l'amour de la patrie, l'amour de nos militants, l'amour du peuple burundais. Nous comptons qu'un jour, le peuple burundais deviendra mûr pour qu'il puisse distinguer un projet de société fictif et un programme réel. Et nous espérons qu'un jour aussi, l'achat de conscience pourra ne pas trouver un chemin. Le président de cette coalition indique que leur souhait est qu'il n'y ait plus de scènes de violence post-électorale. Kira Burundi est une force qui milite pour la stabilité de notre pays. Kira Burundi ne veut pas encore voir des gens qui soient emprisonnés, des gens qui meurent, des gens qui deviennent des réfugiés à cause du processus électoral. Nous avons besoin. Aloïse Barichako demande aux nouveaux dirigeants du pays de s'atteler aux projets de développement et de promotion des droits de l'homme. La coalition Kira Burundi, forte de son engagement de stabiliser notre pays, souhaite plein succès aux futurs dirigeants, tout en leur demandant d'améliorer l'environnement socio-sécuritaire, de sortir de la population de la pauvreté sans distinction, de mettre un accent particulier sur la sauvegarde du bien public, de libérer les prisonniers politiques et d'opinion et assurer le retour de tous les réfugiés. Quant à la question de savoir si cette coalition va continuer à exister après les élections, Aloïse Barichako indique que cela dépendra des résultats des élections des conseils communaux. Parlons toujours de ces résultats provisoires. La FRABOU se dit satisfaite du dépassement de 30% des femmes dans les instances de prise de décision, que ça va favoriser l'adoption des lois tenant compte des préoccupations de la femme. À cette association représentée par Marie Conchessa Barouike, coordinatrice, fait savoir que cette décision marque le pas géant déjà franchi dans le développement inclusif. Pour elle, c'est une satisfaction, je vous le disais. Suivez-la au micro de Vestine Outoï. C'est vraiment une très grande satisfaction, d'abord en tant que femme, mais aussi en tant qu'actrice de la promotion de la femme. Et la FRABOU, c'est une des organisations qui a travaillé beaucoup avec les autres organisations, d'abord dans le cadre de l'amélioration du cadre légal, mais aussi dans le cadre de la sensibilisation des femmes pour élire et se faire élire. C'est une très grande satisfaction parce que nous venons de voir que déjà, les femmes ont été élues à 34% avant la cooptation. Ça, c'est un bon signe qu'il y a des partis politiques qui se sont engagés à bien positionner les femmes sur les positions utiles. Elles ont été élues. Nous venons aussi d'avoir une très bonne information que désormais, les femmes seront représentées à 40% au sein de l'Assemblée nationale. Ça, c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour les femmes parce que là, nous sommes sûrs que ces femmes qui vont faire partie de l'Assemblée nationale vont travailler beaucoup sur les grandes préoccupations des femmes et à tous les niveaux. Que ce soit pour les femmes cultivatrices, les femmes commerçantes, les femmes qui travaillent dans différentes institutions, dans différentes entreprises, vraiment les préoccupations des femmes vont être analysées à travers les lois, mais aussi à travers différents programmes. Tu sais, quand tu n'es pas présente justement, mais quand tu es présente, c'est que là, tu peux t'exprimer, tu peux présenter les préoccupations, tu peux aussi influencer différents programmes et différentes politiques. Voilà, donc ça, c'est vraiment une grande valeur ajoutée pour les femmes burundaises. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons éducation à 13h04 dans le studio de la radio Isanganiro. Les ex-étudiants de l'Université du Burundi, surtout ceux du nouveau système BMD, qui n'ont pas encore eu accès au retrait définitif de leur diplôme universitaire, vont bientôt en bénéficier. Le recteur de cette université le dit après des grognes de certains des anciens étudiants de l'Université du Burundi qui sont en besoin de leur diplôme. Toutefois, François Havyarimana demande à ces derniers d'user de la patience, tenant compte de l'effectif qu'enregistre l'Université du Burundi. Et suivez-le au micro d'Ezekiel Ndikumwenayo. L'entérinement des diplômes délivrés par l'Université du Burundi devient un peu difficile comparativement à l'entérinement des diplômes délivrés par certaines universités privées qui ont été créées récemment. Pour plus de précisions, je dois vous dire que l'Université du Burundi comprend deux catégories de lauréats, ceux qui ont suivi l'ancien système et ceux qui ont suivi le nouveau système BMD qui obtiennent le diplôme de baccalauréat. Vous savez très bien que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a sorti une ordonnance qui recommande la clôture des dossiers des étudiants de l'ancien système. À l'Université du Burundi, on s'est dépêché pour d'abord clôturer les dossiers des étudiants de l'ancien système. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, je peux vous dire que presque tous les diplômes de l'ancien système ont été entérinés. D'ici peu, on va commencer l'entérinement des diplômes du nouveau système, donc les diplômes de baccalauréat. Et je voudrais d'abord tranquilliser les étudiants qui ont suivi le nouveau système, parce que je supposais que c'est ces étudiants-là qui éprouvent le problème de retrait de leur diplôme. Pour ces derniers qui ont suivi donc le nouveau système, nous avons déjà donné des instructions à la direction des services académiques qui prépare ces diplômes pour l'intérimement. Et j'ai dernièrement parlé avec le directeur des services académiques. Il m'a dit que le personnel de sa direction est à l'œuvre et qu'on pourra commencer l'intérimement de ces diplômes de baccalauréat d'ici peu. Et par conséquent, les détenteurs de ces diplômes pourront les retirer d'ici peu. Poursuivons cette édition des personnes se réclamant du parti CNL en zone Rukecho de la commune Boussiga en province Ngozi disent être malmenées jusqu'à la fermeture de leur bistrot. Accusé d'avoir voté pour ce parti, le chef de zone Rukecho parle de rumeurs et échanges de mots blessants pendant la période électorale. Innocent Minani dit profiter de cette situation pour sillonner toutes les collines en vue d'appeler la population à vaquer aux activités quotidiennes. Le point avec Apollinaire Muzagara de Pingozi. Parmi ceux qui se lamentent figurent des tenants des bistrots de bière locale et de petites pâtisseries d'Ole et Onidas Wegegene dit que son bistrot a été fermé depuis samedi par le propriétaire de la maison en location sous l'ordre des autorités dont il garde l'anonymat de l'urne. Ce lundi avant midi, les viandes se trouvant dans la maison fermée dégageaient déjà une odeur suffocante. Selon la victime et même le propriétaire de cette maison, le motif de cette expulsion est que Onidas Wegegene a été mandataire du parti CNR lors des dernières élections du 20 mai. Ce lundi après-midi, Innocent Minani, chef de zone Rukecho, a réuni toutes les parties prenantes pour remédier à ce problème, qualifié pour lui de rumeurs et comportements inadéquats conséquents à la période électorale. Cette autorité, aujourd'hui en descente sur toutes les collines de cette zone, invite la population à s'atteler plutôt au travail quotidien et d'oublier un peu la période de la dernière campagne, car selon lui, la vie de la population doit être reprise après les élections, tout en mettant de côté les appartenances politiques. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. De la province Ngozi, rendons-nous en province Rumonge, c'est au sud du Burundi. Encore d'un jeune homme en décomposition a été découvert dans la rivière Ruzibadi, séparant les communes de Bugarama et Rumonge. En province Rumonge, à quelques mètres du pont de la RN3 reliant les villes de Rumonge et Bujumbura, ce mardi matin, Joachim Manirakiza, administrateur de la commune Bugarama, dit que jusqu'à 11h de ce mardi, la victime n'avait pas encore été identifiée. Il ajoute que la police de la protection civile et des agents de la Croix-Rouge étaient déjà sur place pour procéder par après à son enterrement. Parlons sport à présent. Le match comptant pour la demi-finale de la Coupe du Président entre Interstar et Musongati prévu ce mardi à 15h au stade Nwari a été bien préparé du fait que toutes les équipes ont besoin d'atteindre la finale. C'est du moins l'analyse d'un journaliste sportif qui suit de près les différents championnats burundais. Wilson Kwizera appelle les arbitres à exercer leur métier en respectant les règles internationales régissant le football. Suivez. Le match va être un peu dur. Si Interstar a atteint la demi-finale, c'est qu'il est capable de franchir jusqu'à la finale. C'est comme Musongati aussi. Musongati qui court il y a des années derrière la coupe qu'il n'a pas encore gagné. La pronostic n'est pas possible pour le moment. Puisque si Vitalo a été éliminé, on attend son rival qui puisse faire la différence. Et d'ailleurs, même les fanatiques de Vitalo, ils sont nostalgiques à voir un club de Bujumbura représenter le pays dans des compétitions internationales. C'est la formation de Musongati qui a éliminé difficilement la formation Vitalo lors des matchs comptant pour les quarts de finale. Aujourd'hui, cette équipe va disputer son match en absence de capitaine Eric. Est-ce que cela ce ne sera pas un problème pour l'équipe de Musongati? Vous l'avez dit, Musongati a éliminé très difficilement Vitalo. Et Vitalo, c'est comme un frère rival d'Interstar. Ils ont disputé le championnat depuis longtemps. Pour le moment, la population de Bujumbura attend que le club Interstar hausse l'honneur du football de Bujumbura. Et quelle est votre analyse sur le match retour entre Aigle Noir de Fighters et la formation policière de Rukinzo? En ce qui concerne Aigle Noir et Rukinzo, on peut partir du match aller, puisque samedi passé, ils étaient à Bujumbura quand ils ont fait match nil, un but partout, alors que le club de la capitale, Rukinzo, avait essayé de mieux gérer la première mi-temps. Malheureusement, ils ont manqué la chance de marquer à la première mi-temps, un tout petit peu dominé. Ça leur a donné un espoir pour mieux faire au match retour. Tout est possible pour le moment. Et quel appel assez aux arbitres? On déclare d'abord que nous avons des arbitres qui savent ce qu'ils font. On se contente d'abord d'avoir les arbitres vaillants qui savent ce qu'ils font. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé de ce mardi à 13h11. Dans nos studios, l'asthme est une maladie qu'on peut prévenir par plusieurs moyens, comme un traitement à temps de ces allergies, dont l'éternuement persistant. Dr François Ndikoumenayo, pneumologue, avait précisé dans notre précédente chronique que l'asthme est une maladie respiratoire. Au niveau des bronches, sur ce, il précise que cette maladie peut avoir des complications respiratoires une fois maltraitée. Les détails, c'est dans cette chronique santé signée Ornella Mucho. La prévention de l'une des maladies respiratoires au niveau des bronches, qui est l'asthme, peut être faite sous trois formes. Selon le pneumologue François Ndikoumenayo, il donne d'abord des conseils aux parents sur le traitement de leurs enfants. La prévention des crises d'asthme ou de développer l'asthme passe par le mode de vie. Il faut permettre aux enfants, particulièrement les enfants des villes, d'être en contact avec l'environnement le plus tôt possible. Hygiène, pas les cacher dans les maisons, les empêcher de sortir, de peur de rencontrer du vent. Non, ce vent est bénéfique. Il faut laisser ces enfants entrer en contact avec l'environnement le plus tôt. Comme ça, ça les prévient le développement des allergies, dont les allergies respiratoires à l'origine de l'asthme. Quant aux adultes, ils sont interpellés à soigner les allergies respiratoires pour ne pas développer de l'asthme. Dr François Ndikoumenayo souligne que cela concerne beaucoup plus ceux qui ont des sinusites. Il y a une prévention dite secondaire des allergies à manifestation ORL. La maîtrise de ces infections de ces allergies oraires va prévenir le développement de l'asthme. Troisième situation qui est la prévention tertiaire, c'est soigner les crises et empêcher les crises de récidive. Cette maladie peut avoir des complications, surtout lorsqu'elle a été mal soignée. Une fois que la maladie n'est pas soignée, le risque est vital de mourir des crises. L'autre risque, c'est de la chronicité, d'être malade continuellement dans sa vie et qu'il soit limité dans ses activités professionnelles. Et l'asthme, c'est une maladie qui doit devenir un handicap pour qui que ce soit. Personne n'est obligé de rester dans les crises. C'est-à-dire que quand il fait toujours des crises, quand il quotidiennement, tu peux le tout une fois à la semaine, c'est qu'il y a un problème au niveau des soins. Le problème peut être situé au niveau du diagnostic, c'est-à-dire que peut-être c'est qu'il est traité d'un asthme, alors que peut-être son sifflement a dédié à une autre maladie. Deuxième situation, il a réellement un asthme, mais le traitement qu'il reçoit peut-être ne correspond pas à son état ou le traitement correspond, mais il est mal administré. Selon son spécialiste, malgré que l'asthme peut entraîner des décès, un traitement de fond bien suivi permet pourtant le contrôle de la maladie. On est là, mucho, voilà, à 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ça s'achève cette édition, mais permettez-moi de vous en rappeler les grands titres. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du triple scrutin par la CENI, Dieudonné Nahimana, un des candidats au fauteuil présidentiel, apprécie positivement les résultats malgré certaines irrégularités qu'il compte présenter à la CENI. Et de son côté, l'association des femmes rapatriées du Burundi à Fribourg apprécie le dépassement de 30% des femmes dans les instances de prise de décision. Le recteur de l'Université du Burundi tranquillise les anciens étudiants de cette université dans le système BMD quant à l'entérinement de leur diplôme que c'est pour bientôt. Merci donc à vous tous qui avez suivi cette édition. Merci également à Pauline, à Innocent plutôt, Bivoniman et Sandrine Chimier pour leur parfaite complicité technique. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.